Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, soyez les bienvenus. Ce samedi 4 juin, ça y est, c'est la dernière ligne droite avant les vacances. Et c'est quasiment l'un des derniers classements Flycase également. Donc on va en profiter au maximum. Cette semaine, nouveau numéro 1. On aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis un total de 2 entrées et 2 sorties. Flycase. La sortie de No Me Rome Pas Ennemi avec Test Like. Et la sortie également du groupe Tepno, Me and My Guitar, 4 semaines de présence. Numéro 20. Non, ça bouge pas mal dans ce classement, pas mal de montées, de descentes et tout. On va découvrir tout ça. Numéro 20, 4 places moins pour DJ Roland Clark. House is a nation. I wanna be president. President. sur Galaxy. Numéro 19. Incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 19 à l'instant. Man Without the Clue avec Push Me Around. C'est la position numéro 19, ça perd 2 places. Et numéro 20 cette semaine, 4 places au moins, c'est la lanterne rouge. C'est à vous de voter pour refaire progresser ce titre. Facebook Flycase, je vous rappelle l'adresse. DJ Rolling Clark et Santé Sanson avec House Nation. Flycase, les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 18. Flycase, nouveauté. We'll be right back. Te font bouger. Fly Case. Numéro 17. Thank you. Classement de Flakez à l'instant, c'était DJ SKT avec le titre Dirty. C'est la plus grosse gamelle carrément cette semaine. 7 places au moins pour ce titre numéro 16. Numéro 17 juste auparavant, ça gagne 2 places cette semaine. Season avec Say Your Mind. Et pointé numéro 18, c'était une nouveauté pour Mark Knight avec Voulez-vous. La reprise de ABBA évidemment dans les années 70, un vieux classique disco. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver. 21h Franky Do, 22h DJ Tom, 23h Marty, à minuit DJ Storm et à 1h du mat DJ Gus, Bad Noise et The Pleasure pour clôturer cette soirée mix. Et puis je vous rappelle également un grand rendez-vous à ne pas manquer, on vous en parle sur Galaxy depuis quelques jours, c'est la Retro Experience qui se déroule au domaine des Médicis à Moucron, c'est juste à côté de la gare de Moucron, avec ce soir Vince, il y aura également Laurent Top, DJ PC et Ferlin Papin. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, bien évidemment. Tout de suite, petite pause dans ce classement du Flakez avec une nouveauté, c'est même carrément une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Un vieux titre également des années 70 qui vient d'être remixé, ça s'appelle Black Betty et le groupe s'appelle GL Un Afterman. Et puis juste après, puisqu'on a un petit peu de temps, quelque chose qui fera plaisir au niveau des Golds, c'était en 90. Rappelez-vous, on a diffusé ça énormément sur Galaxy au début des années 90, l'ouverture du rideau de l'Odéon. Ce sera Malcolm McLaren avec Ariane et un bon après-midi. Jamais de trop. Un rétro n'est jamais de trop. Thank you. On va vous rappeler les références de ce titre parce qu'on vient nous appeler pour savoir ce que c'était exactement. C'était l'ouverture du rideau de l'Odéon, rappelez-vous, au début des années 90, pour les auditeurs qui étaient déjà fidèles à Galaxy à l'époque. Un titre qu'on a joué maintes et maintes fois, Malcolm McLaren, rappelez-vous, avec ce titre Area on Ear. Tout de suite, la suite du classement avec la 13e position, 15e, Denise Close avec C-Line Woman numéro 15. Les 20 titres qui te font bouger. C'est Flying Case, numéro 15. It's as close to God as I know. These are lovely. The structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos. All have to do with sound and music, and it's... And so the whole fucking lot. All I have to do is sound. 10 sur Galaxy, c'est pointé numéro 14. Ça perd une place avec On et numéro 15, 4 places au moins pour Denise Cruz, Sea Lane Woman, leur mix The Wed. Les 20 titres indispensables. Numéro 13. Every time I look somewhere, there's something behind those eyes. Every time I'm close enough, I find another disguise. But would the truth matter anyhow? Just keeping away those miles and miles, miles and miles and miles. Thank you. Galaxy. L'esprit électronique. L'esprit électronique. Pour la semaine prochaine, le groupe s'appelle Amtrak et le titre Hold On, c'est le VIP Mix. Bienvenue, il est 17h. Numéro 20. Allez, on est là. Si vous avez manqué la première heure de ce Flankies, et bien voici la, le récapitulatif pour le numéro 20 cette semaine, 4 places au moins, pour DJ Ronin Clark et Santé Sanson avec House Station. Numéro 19. Numéro 19, ça perd 2 places cette semaine, Man Without the Clue avec Push Me Round. Numéro 19. C'est la première entrée pour cette semaine, la reprise d'un vieux classique d'ABBA, Voulez-vous, rappelez-vous, ça vient d'être remixé par Mark Knight, numéro 18. Numéro 17. Numéro 17 a gagné 2 places, c'était d'entrée il y a 3 semaines, Season avec Say Your Mind. La gamelle de la semaine, 7 places au moins, c'est la position numéro 16, ZG SKT avec Dirty, ex numéro 1 de ce classement du Flakez. Numéro 15. Numéro 15, Denise Cruz, alors que le nouveau vient de sortir, Sea Light Woman, la reprise de Nina Simone. Je crois qu'elle va faire un album complet de Nina Simone, reprise. Denise Cruz, avec le remix de Wad, numéro 15, ça perd 4 places. Numéro 14. Numéro 14, une place au moins pour Monkey Savary, ça s'appelle On, le remix de Paco Ozuna. Numéro 13. Deux places au mieux, c'est la position numéro 13 cette semaine, Carriers District avec Techno Disco, c'est le remix de Kink. pas de changement par rapport à la semaine dernière. C'est toujours la position numéro 12. Suite Robot et Roman Flegel. Rappelez-vous qu'il avait fait des tubes il y a quelques années. End of the Trail. Numéro 11. Et enfin, numéro 11, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes. C'était Tillman and Wad avec le titre Dirty Groove. Numéro 11, 4 places de moins. Numéro 10. Ah ben la voici, la voilà. On en parlait il y a quelques secondes. Les meilleures nouveautés de la semaine. C'est le nouveau titre de Denise Cruz. Ça s'appelle It's New Life. Vous allez le reconnaître également en numéro 10. Et juste après, Damien Lazarus était entré la semaine dernière. C'est gagné 5 places avec Trouble de Science. Bon après-midi. It's a new life. La semaine dernière, il s'appelle Damien Lazarus. Il nous revient avec un nouveau titre dans ce classement Trouble at the Science et le remise The Colch. Ça gagne 5 places cette semaine. Et juste auparavant, numéro 10, Zenith Cruz avec New Life. Encore une reprise de Nina Simone, bien évidemment. Et puis, j'étais occupé de regarder le calendrier. Tiens, vous avez encore l'occasion de voter deux fois pour le Flycase. Encore deux classements, un best-of et puis ce seront les vacances. Eh oui, difficile à s'imaginer quand même en regardant par la fenêtre. Hein. On l'avoue. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à tous les étudiants. On a une grosse pensée pour eux qui sont en pleine période de bloc, en pleine période d'examen. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. C'est peut-être la petite pause. Bah, profitez-en jusqu'à 18h. Les 10 meilleurs de ce classement du Flycase. Restez avec nous. Bon après-midi. Les 20 titres indispensables. Flycase numéro 8. Much your sweet love mean to me. Don't have much 7. disco. To refine disco, then it is, I would say, the beginning of the 90s with the new time, with the new sound of disco. You know, from the old sound, which is very much, would you say, orchestrated, but with the new sound, which is basically, you would say, one man operation. You know, I think that's the house disco. Incontournable à l'instant avec Super Lover, ça s'appelle Talking Machine, ça gagne 4 places, 2 places de mieux également pour Yena avec Nonku, ça s'appelle So Kit, le remix de André Lodman. Et puis sinon, tout va bien côté circulation du côté de Lille, à part un petit accident qui se déroule sur l'autoroute Nord A1 vers le sud-est de Ronchin, également une voiture en panne vers l'ouest de Léquin, et puis encore une voiture en panne également sur la 1 du côté du nord-est de Ronchin. Voilà, sinon tout va bien. Tous les jours, dès 20h, sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy, à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver. 21h Franck Lido, 22h DJ Tom, à 23h Marty, à minuit DJ Storm et DJ Gus de 1h à 2h pour Bad Noise et The Pleasure. C'est lui qui clôturera cette soirée mix. Et puis grosse soirée également à ne pas manquer, c'est la soirée, je vous rappelle, Retro Experience, qui se déroule au domaine des Médicis, c'est juste à côté de la gare de Moucron, avec ce soir Vince, Laurent Top, DJ PC et Farlin Pimpin. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc là-bas, question de passer une bonne soirée. Tout de suite, voici une nouveauté. Ça s'appelle Deoro et Elvis Crepo. Ce sera un de ces tubes de cet été. On en est quasiment sûr et certain. Ça s'appelle Baila. Restez avec nous. Et puis juste après un petit peu de temps, un bon vieux souvenir de l'année 95 avec DJ Jotty Vanelli, Voices in Harmony. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila. Sino vos dance. ainsi une page d'histoire de la musique électronique. indispensable sur Galaxy numéro 4. Cette semaine, numéro 4 de ce classement, 3 places de moins pour Mathieu à l'instant avec Nighthawk, ex numéro 1 de ce Flycase, et puis Churches avec Leave a Trace. On adore ce titre. N'oubliez pas de voter hein, Facebook Flycase, c'est le remix de Fortet et c'est la position numéro 5. Restez avec nous, on souhaite un petit coucou tiens, tout particulier à tous les commerçants branchés sur Galaxy. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les 20 indispensables, c'est Flycase numéro 3. Thank you. sur Galaxy, numéro 2. Bommel, peut-être un futur en numéro 1 de ce placement du Flycase, c'était le titre In This World, deux places de mille, numéro 2. Flycase, égal Flycase, numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif pour cette semaine. Pour les 10 premiers, numéro 10, c'était la meilleure entrée pour cette semaine avec Denis Coase, New Life. Numéro 9, Damien Lazarus et Ancient M. Ça s'appelle Trouble at the Science. C'est le remix de Kolsch. Numéro 9, ça gagne 5 places. C'était entré la semaine dernière. Numéro 8. Numéro 8, Kevin McKay avec What You Want. Le remix de Jean-Paul Ghetto. Ça perd 2 places. Numéro 7, on adore ce titre, ça s'appelle Ieda et Nonku, c'était d'entrée il y a 3 semaines. So Kit, leur mix de André Lonneman, ça gagne 2 places. Numéro 6. Numéro 6, Super Lover avec le grand retour dans ce classement Talking Machine. La reprise de State of Light de Billy Ocean, numéro 6, ça gagne 4 places. Numéro 5. Numéro 5, excellent également, Churches avec Leave a Trace, le remix de Fortet, c'est la version remix, c'est une version rock à la base, hein. Numéro 5. Numéro 4. 3 places de moins pour cet ex numéro 1, numéro 1 la semaine dernière d'ailleurs, Matt Joe avec Nighthawk. Petite découverte de Galaxy également numéro 3, pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Usul, Selkuk et Josh Moreland, le titre Out of My Head. Numéro 2. Et enfin numéro 2, on vient de se l'écouter à l'instant, Patrice Bommel avec In This World, c'est bien parti pour être numéro 1 la semaine prochaine. Deux places ou mieux. Allez, on y va, nouveau numéro 1 pour cette semaine. Le groupe s'appelle Aloya et Gallo, ainsi que Kevin Adden ou Easy. Numéro 1, une place de mieux. Is he to you? I'm not something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you clear your throat, what about your cue? And when you clear your throat, what's about your cue? That governor, who is he and what is he to you? Now when I ask a song of you and me, I get confused and I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Who is he and what is he to you? Is he to you? Nouveau numéro 1 dans ce classement de Flakey, c'était Aloya et Gallo ainsi que Kevin Adams. Il s'appelle Ouizi. Flakey. Ouizi, qui est-il? Eh bien, il s'appelle Matt le Matou, le chat. Moitié homme, moitié chat. Moitié homme, c'est moi. Bon, restez avec nous. En tous les cas, c'est Matt le Matou et tous ses bons plans à ne pas manquer, bien évidemment, comme tous les samedis. On se retrouve samedi prochain à partir de 16h. Galaxy.